In a moment, you can listen to all the dialogues in the bookshop again. But before that, another activity. Do you remember what the bookseller said when asked for a phrase book? J'ai ici un guide des expressions pratiques. He said, J'ai. I have. But the word you heard is a contraction of two words. Je. And. Et. Je. Et. J'ai. J'ai. Et maintenant, voici l'activité. When you hear, dites que vous avez un plan de Paris. Say that you have a map of Paris. J'ai un plan de Paris. Ensuite, écoutez la bonne réponse et répétez-la. D'accord? Nous commençons. Dites que vous avez un plan de Paris. J'ai un plan de Paris. Dites que vous avez un dictionnaire français-anglais. J'ai un dictionnaire français-anglais. Dites que vous avez une chambre au deuxième étage. J'ai une chambre au deuxième étage.